Je suis enfermé à l'étroit dans ma cellule. Tous les jours le même café, mais c'est le temps qui est soluble. Ces bonnes actions que l'on regrette, ces erreurs que l'on refait. Au parloir, je parle autant à mon fils qu'à mon reflet. Je suis gelé, j'enchaîne les vers et les hivers. Pour se rassurer, les passants doivent tous penser que l'on hiberne. Bercé par le son des pas et le bruit des pièces dans les poches. Entre ce type et mon chien, je me demande de qui je suis le plus proche. Je suis riche, ils veulent me faire croire que c'est une honte. Comme si j'étais responsable de toute la misère du monde. Moi, je dois rien à personne, même si l'argent vient à manquer. Ils veulent tous goûter aux fruits de l'arbre que j'ai planté. Je suis malade, mais je préfère dire futur soigné. Mes pupilles fixent l'aiguille d'un monde qui brille sur mon poignet. À l'étroit dans mon corps, je regarde le monde par le trou de la serrure. Les gens diront que je n'ai fait qu'agrandir celui de la sécu. Je suis croyant, on me reproche souvent de l'être. On me reproche ma barbe, pourtant j'ai la même que Jean Jaurès. On me compare à des barbares auxquels je n'ai jamais cru. Les mosquées sont trop petites, alors parfois je prie dans la rue. Je suis un peu perdu, mes petits poumons se remplissent d'air. Nouveau venu sur terre, mes premières larmes déclenchent celles de mon père. Une chance auprès de ma famille, je me sens à ma place. Mais je n'oublie pas que j'aurais pu naître dans la chambre d'en face. Je suis seul au fond d'un couloir, on demande pas mon avis. J'ai pris de l'âge, donc voilà, j'ai bien plus de rides que d'amis. J'aimerais partager mes erreurs, vous faire part de mes doutes. Parfois je me parle à moi-même pour être sûr que quelqu'un m'écoute. Je suis épuisé, mais plus pour longtemps j'en suis sûr. Les sonneries téléphonent, la pression élargit mes blessures. Je me souviens pas de la date de mon dernier fou rire. Je suis un homme, bientôt je serai un souvenir. Je suis enfin là, cette terre n'est plus un mirage. Je suis arrivé par bateau, mais surtout par miracle. Une nouvelle vie m'attend ici, bien plus calme et plus stable. Ce matin j'ai écrit tout va bien au dos de la carte postale. Je suis fier, mais comment vous décrire tout ce que je ressens. Quand je marche en ville, de moins en moins de gens me ressemblent dans l'ascenseur. Je parle même plus la langue de ma voisine. À force de planter des arbres, il y aura plus de place pour nos racines. Je suis fatigué, mal au dos et mal aux reins. Les rides sur mon visage me rappellent les montagnes de là où je viens. On m'a menti, et c'est trop tard que je l'ai compris. On dit que ce pays n'est pas le mien, alors que c'est moi qui l'ai construit. Je suis assis, et le destin a fait que je me relèverai jamais. Dans cet océan, j'ai l'impression d'avoir toujours ramé. Un casse-tête pour monter dans le bus, aller au taf, passer leur porte. Souvent les gens me regardent et me répondent que c'est pas de leur faute. Je suis heureux, jeune diplômé, esprit bête. J'ai étonné ceux qui rêvaient de me voir abandonné. Ma famille est loin d'ici, j'espère que là-bas ils sont fiers. Je viens de gagner le combat qu'avait commencé ma mère. Je suis confiante, je regarde ma classe un peu trop pleine pour moi. Et je leur tiendrai la main jusqu'à ce que la réussite leur ouvre les bras. J'ai compris que parfois les adultes sont paumés, parce que les plus grandes leçons c'est eux qui me les ont données. Je suis énervé, dans mon quartier on s'ennuie loin de la ville. On écrit, on prie, on crie et j'ai des amis qui deal. Mon grand frère est au chômage, mon pote se fait 5000 par mois. Au collège c'est le bordel, bientôt je devrais faire un choix. Je suis loin, ce qui se passe chez moi n'intéresse pas grand monde. Pour les autres on vit un rêve, pourtant souvent on tourne en rond. Tout est cher, avec le continent y'a comme une latence. La plage, les palmiers, mais moi je suis pas en vacances. Je suis discrète, mon père m'a dit de ne pas faire de vagues. Ma religion un phare qui dans mes pas depuis que j'ai mis les voiles. C'est drôle qu'il me surveille et qu'il fasse tout pour me donner une leçon en m'empêchant d'aller en cours. Je suis inquiet envers ma foi, beaucoup de regards hautains. Je reçois des leçons, pas des types qui ne font rien pour leur prochain. L'humanité n'a plus de cœur, je vois le monde qui tourne et qui change. Et je suis triste de voir qu'il y a de moins en moins de gens le dimanche. Je suis amoureux et je vois pas qui ça regarde, à part moi et celui avec qui je partage mon lit le soir. Je l'aime, on se slalome entre les insultes et les blagues. Dire qu'il y a peu de temps je n'avais pas le droit de lui offrir une bague. Je suis oublié, mes fins de mois se font sur le fil. C'est devenu rare d'aller au resto ou d'aller voir un film. Je suis qu'un chiffre, qu'un vote, une statistique, un point de plus dans la poule. Moi je suis juste ici et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Je suis un rendez-vous, un hasard, un match de foot, un mariage, une manif, un anis, une accolade, une bagarre, une scène de crime, un jugement, un gosse qui rit, une erreur, une montagne enneigée. Je suis la pointe de la plume d'un odeur. Je suis les pleurs d'un départ, je suis la chaleur des bars. Je suis une saveur 5 étoiles ou bien le gras d'un kebab. Les flemmards, les couches, les leftos, les râleurs, les regards dans le métro. Un autre racine, un concert vie, la crie, la déprime, aux arrêtos. Je suis l'excellence, l'élégant ou l'espérance d'une naissance. Ces campagnes dans le silence, ces grandes villes, l'immense silence. Je suis un peu de moi et beaucoup des autres quand j'y pense. Je suis la France.